Activité 2. 1. Salut, c'est Adrien. Samedi, c'est mon anniversaire. Je t'invite au restaurant. Si tu es d'accord, rendez-vous à 19h chez moi. Tu peux venir avec Amandine. 2. Bonjour, c'est moi, Valérie. Je suis devant le musée. J'attends Isabelle. Elle est en retard. Tu es toujours d'accord pour le rendez-vous de 16h avec Juliette? À tout à l'heure. 3. Allô? C'est Louis. On peut aller se promener dans la forêt dimanche, s'il fait beau. Charlie est d'accord. Et j'invite Pierre, un ami du club de tennis. Rappelle-moi.